moi qui compte. T'as les yeux tristes, mais quand tu souris, ce qui me rappelle que j'ai tort. Et j'aimerais te dire que c'est fini, mais je recommence encore. Alors j'aimerais que tu me pardonnes. Pardonne-moi si j'en fais t'étonne. Moi je sais pas comment ça fonctionne. J'ai les yeux qui coulent tous les jours de trop. J'aimerais que tu me pardonnes. Pardonne-moi si parfois je déconne. Même si je sais que plus rien ne t'étonne. J'ai les yeux qui coulent tous les jours de trop. J'ai le cœur qui s'arrête. Je l'avais pas vu venir. J'ai pas gâché la fête. J'ai pas, j'cris sans réfléchir. T'as les yeux tristes même quand tu souris. C'est ce qui me rappelle que j'ai tort. Et j'aimerais te dire que c'est fini, mais je recommence encore. Alors j'aimerais que tu me pardonnes.